Ça donne chaud. Je suis d'accord. Thank you. Bonjour, bonjour et bienvenue sur France Impro. Il est samedi, nous sommes sur Radio FMR 89.1, il pleut sur Toulouse. Et dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le Labo des Sonophages avec Gilbert derrière un ordinateur et un programme qui parle. Sarah au micro, Laurent avec plein de choses dont il va nous parler et moi-même au cornet. Dominique. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors juste Gilbert, je sais que t'aimes pas trop parler, mais je vais quand même rapprocher un peu ton micro. Voilà. Alors Laurent, vas-y, parle-nous un peu du Labo des Sonophages. Le Labo des Sonophages, déjà, il a lieu au Théâtre du Vent des Cygnes, où il est accueilli les premiers mardis du mois. Donc c'est un labo qui existe, pour ma part, je le côtoie depuis 2009. Je pense qu'il a été créé aux alentours 2007-2008 par donc Les Sonophages, qui était une initiative toulousaine de regrouper des improvisateurs de la région, donc orchestrés par Eddy Boubecker, Christine Vodrashka, Rémi Brassier et d'autres. Et donc cette association a commencé à organiser quelques concerts, s'est ensuite concentrée sur la rencontre dans ce labo, qui permet une fois par mois de se rencontrer dans les murs du Vent des Cygnes. On est accueilli par Anne Lefebvre depuis toutes ces années, qu'on remercie chaleureusement. Donc vous avez des informations aussi sur le site du Théâtre des Vents des Cygnes, qui est sur le quartier Saint-Cyprien. Donc, pour ne pas trop me perdre, oui, ce labo a pour vocation la rencontre et la recherche autour de l'élément son, de l'improvisation, mais surtout la recherche d'une écoute ou de plusieurs écoutes. Se positionner en tant qu'improvisateur pratiquant et rechercher des éléments, des écoutes entre nous au travers de contraintes ou de formes très libres, mais de discussion. Alors en pratique, comment ça marche un laboratoire des Sonophages? Comment ça marche une session? Je fais le naïf, mais je connais un petit peu puisque j'y participe depuis le début de l'année. Dites-moi comment ça marche. Alors comment ça marche? On arrive chacun avec son instrument et on mélange son son au son présent ce soir-là. Souvent, on se propose une jauge de 8 improvisateurs maximum. On a eu rarement dépassé. Et voilà, on se positionne, on cherche sa place dans l'espace et ça joue. C'est-à-dire de suite, on se propose de partir sur une forme libre, d'écouter. À partir de là, on rebondit. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tout le monde y retrouve son compte? Est-ce qu'on se propose des contraintes? Est-ce qu'on reste dans cette forme de liberté? Donc on parle et puis on discute. On joue et puis on discute. On joue et on discute. Et puis ouais. Après on rejoue. Et on rejoue, c'est-à-dire avec ou sans contrainte, se positionner. Ouais. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qu'on vient d'entendre en début d'émission, qui en fait était une création en direct des présents à la radio, dans notre studio de radio éphémère? Est-ce qu'on peut parler de l'improvisation qu'on vient de faire? Certainement, pour ma part, oui. Je dirais déjà que c'est une improvisation matinale. Tout à fait. Le labo se retrouve au petit matin, alors qu'on ne se connaît pas avec nos petites têtes du matin. Et c'est là, c'est une improvisation matinale, avec une certaine urgence. Mm-hmm. Parce qu'on s'est installé derrière le micro sans avoir fait de soundcheck entre nous. On a juste réglé nos niveaux et hop, on y va. C'est pouf, in situ. D'accord. Sarah? Oui, pour ma part, c'était aussi la découverte, parce que j'avais déjà joué avec Laurent, mais pas forcément avec vous deux. Et improvisation matinale et besoin de beaucoup d'écoute, mais avec un résultat assez intéressant. Alors il y a quelque chose de différent par rapport à la pratique du labo. Là, on était, on n'était pas amplifié directement dans le studio, mais on passait dans un système son, on entendait ce qu'on jouait dans les casques. Ça permet de travailler des détails qu'on ne travaille pas forcément, enfin qu'on n'entend pas de la même manière dans un espace ouvert. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Et ça a donné quelque chose d'assez intimiste, d'assez minimaliste. Je pense notamment à ton travail sur la voix. Tu peux nous en dire Oui, mais pour ma part, je m'entendais du coup vraiment différemment de si je chante en acoustique ou si je chante branché sur une sono. Surtout que j'ai l'habitude de chanter plutôt en petit ensemble, en petit orchestre. Donc ça me permettait d'entendre beaucoup plus précisément tous les détails et toute l'interaction, et de pouvoir travailler aussi sur mon positionnement par rapport au micro, si je me mettais à droite, à gauche, comment je réagissais par rapport à vous, comment je me plaçais dans l'espace sonore au niveau de la présence. Donc ça change, oui, c'est intéressant aussi. Et au final, ça donnait quelque chose avec pas mal d'espace, beaucoup de textures, des masses sonores qu'on a créées ensemble, qui se sont superposées. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette improvisation? Ouais, on a traversé pas mal d'états, de choses. Il y a peu de moments qui se sont cristallisé dans la longueur, c'est-à-dire on a eu des choses assez changeantes, assez mouvantes, des matières sonores qui se positionnaient, mais on s'est pas attaché à une intention. Il y a eu, on a traversé pas mal de choses. Alors, on serait au labo des sonophages, qu'est-ce qu'on ferait ensuite? Déjà, on écouterait ce que Gilbert aurait à nous dire sur ce qui s'est passé peut-être à l'instant. Gilbert, il a pas très envie de parler, c'est dommage. Ou s'il n'a pas envie de parler, on écoute aussi quand il ne parle pas. Hein. Oui, tout à fait. Donc quelque chose qui change énormément par rapport au lieu Théâtre des Vendées Signes, pour ceux qui le connaissent, c'est un espace assez résonant, assez vaste et riche en résonance. Donc c'est un lieu qu'on ne prend pas en force, on doit accepter sa résonance. Et donc c'est vrai que ça fait partie de... On parle d'improvisation libre, mais chaque lieu et toutes les personnes qui sont autour de nous induisent quelque chose dans l'écoute qui fait qu'on n'est pas complètement libre. Et le lieu, c'est le premier cadre de la partition, c'est à quel endroit on le joue. Donc là, comme le notait Dominique tout à l'heure, c'est vrai que jouer avec un casque, avec la proximité des micros, n'a pas du tout la même sensation, et on n'exige pas les mêmes choses au niveau musical que dans un espace ouvert acoustique. Et en pratique, ça donne vraiment quelque chose de très différent. Oui. Et donc, revenons à la pratique du labo. Donc après avoir parlé, du coup, on joue, on parle, et puis après on fait quoi? Et on peut soit se proposer de refaire une improvisation avec, si tout le monde dit tiens, c'est intéressant ce qui s'est passé, on a envie d'en savoir plus où ça irait après ça, après cette liberté. On pourrait se reproposer une autre forme libre, ou si quelqu'un trouve un petit peu, tiens, ouais, mais il y a ça, on ne s'est pas trop écouté, il y a quelque chose qui s'est passé, toi t'étais pas un peu fort, enfin on peut faire des corrections, et partir sur des formes avec contraintes, c'est-à-dire se proposer des contraintes très simples, c'est pas du tout des partitions, mais c'est resserrer le cadre pour essayer de se trouver au mieux. Alors, est-ce que vous aurez quelques exemples de contraintes? Alors les contraintes, ça peut être de se dire, tiens, quand on se retrouve à 8 et qu'on sent que le son est trop empilé, trop fort, tout le monde joue tout le temps, il n'y a pas d'espace. Donc on peut se proposer, tiens, on va jouer, mais on va jouer quelque chose, une pièce libre ensemble, mais il n'y aura par exemple pas plus de 3 sons qui vont coexister, cohabiter. Alors est-ce que ce n'est pas une contradiction de parler d'improvisation libre et de contraintes ? Non, pas du tout. Enfin, ça permet justement de mieux cadrer l'improvisation libre. Bon, même si ça peut paraître paradoxal, mais on reste libre et on reste improvisateur. Seulement, on essaye d'explorer vraiment un endroit, une chose particulière. Après, il y a plein de différents types de contraintes. Ça peut être par exemple une contrainte de temps aussi, qui permet quand même de rester très libre, mais seulement d'apprendre à prendre en considération le temps qu'on y passe, parce qu'on n'a pas forcément conscience du temps passé quand on est dans l'impro libre. Mais bon, on peut aussi, par exemple, demander des exemples de contraintes. On peut improviser sur une image, on peut improviser aussi, on peut avoir des contraintes en fonction d'un rôle, de notre placement, si on est accompagnateur, si on est soliste, si on a des rôles mouvants, il y a plusieurs choses à... Ça peut être aussi une petite structure de l'improvisation sans contrainte de temps. Savoir qu'on va commencer sur une couleur plutôt linéaire, ensuite quelque chose de plus dispatché. Donc on reste libre, mais seulement on peut se donner des directions et aussi des propositions d'idées pour nourrir l'improvisation. D'accord. Donc là, on voit émerger une sorte de forme. On peut parler de forme ? Sur certaines contraintes, oui, on peut parler de forme. Mettons, si on se donne une donnée, comme on va jouer 5 minutes, sans se dire plus. Déjà, ce qui se passe dans 5 minutes, ça ne va pas être ce qui peut se passer en 20 minutes. Donc, il y a une forme qui peut apparaître, forcément, un cadre. Est-ce qu'on cherche cette forme, en général, dans l'improvisation libre ? Pas systématiquement, on cherche pas systématiquement. Non, on peut laisser émerger des choses et une forme se faire en temps réel la plupart du temps. Oui, mais sans forcément la préétablir, mais est-ce que c'est pas un objectif d'essayer de trouver une forme ensemble, d'avoir une narration du coup qui est cohérente ? Je pose une question qui est pas très ouverte là, mais il me semble en fait que... on pourrait parler d'une caricature de forme d'improvisation libre qui serait l'improvisation commence, bon voilà, on n'ose pas trop commencer, on commence avec des petits sons tout doucement, puis au fur et à mesure on ose rentrer parce que les autres commencent à faire du bruit, et on a un son comme ça qui va enfler, qui va enfler, qui va enfler, qui va enfler, jusqu'à un moment où bon, on commence à trouver que c'est un peu long, il y en a qui vont jouer moins fort, qui vont arrêter. Donc du coup, ça va mourir doucement. Donc ça, pour moi, c'est l'antiforme. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ? Est-ce que, je sais que explicitement, quand je participe à une improvisation, j'essaye d'éviter cette forme-là. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette vision-là, ou est-ce que vous avez une autre vision ? Ça oui, je suis d'accord avec des formes de caricature qu'on peut croiser dans une improvisation. Oui, ça arrive fréquemment, surtout le nombre aidant, c'est-à-dire qu'on se retrouve à plus de 4, c'est comme dans une conversation, on se retrouve à plus de 4, ça peut partir gonflé, c'est la loi du plus fort, on se retrouve dans des états qui sont plus du tout des écoutes sensibles. Mais après, sur l'idée de la forme, moi, il y a quelque chose qui me chagrine dans l'attente et la recherche d'une forme, c'est qu'on reste pas ouvert à ce qui peut arriver, ce qui peut nourrir en fait une forme préconçue ou une recherche de forme qu'on peut avoir individuellement. Parce que là, on est entouré, il se passe plein de choses, et je pense qu'il faut rester très frais et très libre. L'improvisation, c'est la loi de l'instant. Et à chaque instant, la forme peut s'ouvrir ou la forme peut se contracter, ou on peut se retrouver pendant 5 minutes à être dans un état qui va fonctionner complètement sans avoir besoin de le modeler, d'en faire une forme. Ou ça peut durer 20 minutes, il y a un état sonore qui peut être précieux, qui concerne tout le monde, et là on est parti, c'est une non-forme. C'est quelque chose, un temps suspendu qui peut s'étaler mais qui est nourri à chaque instant. Donc il n'y a pas d'idée ou pour moi de quête d'une forme. Chaque improvisation, il faut la prendre avec son temps, son urgence, son instant, et la forme en découle, mais elle est nourrie par tout le monde à chaque instant. Tout à fait. chaque improvisateur a le pouvoir de faire basculer complètement. On est parti sur une durée, on sent que 20 minutes, ça a pu durer une heure. Et à un moment, quelqu'un bascule et a besoin d'autre chose. Donc là, est-ce qu'il va être suivi ou pas ? Il y a toujours cet enjeu de l'instant qui est toujours là, dans l'improvisation. Ce basculement, il intervient notamment à la fin, quand on décide que l'improvisation se termine, ce qui n'est pas forcément évident quand on ne décide pas d'une durée prédéterminée ou qu'on n'a pas une montre sous les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez de ce basculement de la fin ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Le basculement de la fin, il n'est pas nécessaire non plus. Le basculement, ça peut être ça peut s'éteindre. Il y a un champ des possibles tout ouvert sur la forme réelle d'une improvisation en temps réel. Mmh. Même s'il y a des caricatures quand on pratique peu ou des choses comme ça, des choses qu'on pratique peu en ensemble. Parce que improviser à deux ou improviser à huit, c'est pas du tout la même chose. Et donc la proposition du labo, c'est quand même de réfléchir à improviser et trouver sa place en nombre. Un duo, un trio, c'est assez simple. Mmh. On est exposé comme un dialogue où si on parle à trois, on a notre implication que parler à 8, là il faut s'organiser autrement et le temps de parole ne sera pas le même pour chacun. On a la conscience du nombre qui fait que c'est beaucoup plus dur de garder une cohérence ensemble. D'ailleurs, au labo, généralement, on se fixe des contraintes de durée. Sans qu'elles soient très formelles, on dit on fait une improvisation courte ou une improvisation moyenne, disons 10 minutes, ou une improvisation longue. Mais n'empêche qu'il y a rarement un signe qui dit « Ok, maintenant on se termine, on va trouver cette fin ensemble. » C'est là que je parlais de basculement. Comment est-ce que ça émerge, cette fin-là ? Vous avez j'aime bien cette histoire de fin, il me semble que c'est assez essentiel parce que... ça paraît pas du tout évident quand on parle de musique en général. Voilà, il y a un début, un milieu, une fin. Là, cette fin, on doit la trouver ensemble, quitte à la rater, quitte à en rater plusieurs. Et c'est très différent du silence, par exemple, dans le morceau qu'on a fait tout à l'heure. Il y a eu des silences, il y a eu des moments où il n'y avait pas de bruit, mais pourtant le morceau n'était pas terminé. Cette tension continue à exister. Qu'est-ce qui fait ? C'est quoi la différence entre un silence et une fin ? Une fin, c'est décider que la pièce va s'interrompre. Mais une fin peut être suspendue et appelée autre chose aussi. Elle peut être frustrante. C'est pas forcément quelque chose d'abouti. Et... Aussi, le silence, ça peut être un petit temps, de pause et d'appréciation. Ça peut être aussi un outil pour l'improvisation. Alors que quand on arrive à la fin, c'est une manière de ressentir ensemble qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire avant de repartir dans du prolongement. Tout ce qui a dû être fait a été fait. Enfin, y a un moment où on sent ensemble que c'est le moment d'arrêter. Et après, bon, bah, du coup, vu qu'on peut ressentir ça à des endroits différents aussi, c'est ce qui peut amener après à de nouvelles propositions, une nouvelle continuité. Mais c'est aussi pour ça que souvent ça s'arrête, comme tu disais, par... un petit peu un décrescendo final, c'est parce que aussi on peut pas non plus décider chacun, là je décide que ça va être la fin, il y a vraiment besoin de s'écouter, donc souvent c'est vrai que ça va amener à la diminution du son au niveau de la dynamique, surtout quand on n'a pas vraiment l'habitude de jouer ensemble, quand les personnes se connaissent pas vraiment bien, on peut pas décider d'une fin comme ça, mais je sais plus ce que j'allais dire. C'est ça aussi l'improvisation. Oui, voilà, il y a un moment entre le silence, on sait qu'il est là et on sait que c'est pas fini parce que on sent qu'on est en train de travailler aussi sur une tension ou sur quelque chose qui est pas abouti, alors que la fin, on sent vraiment que là on est en train de se questionner, est-ce que c'est terminé, est-ce que là, et quand on commence à poser cette question là, c'est pratiquement sûr qu'on est en train d'arriver à la fin. D'accord. Je vais lancer un jingle de milieu d'émission, une seconde. D'habitude, il faut pas dire ça. Hein. Non. Jingle. Vous êtes sur France Impro. Voilà. Alors, vous êtes toujours sur France Impro, en France Impro, en compagnie du Labo des Sonophages. Avec Gilbert, Sarah, Laurent et Dominique. Donc, on parlait de silence tout de suite, on parlait de contraintes un peu plus tôt. Très souvent, lors d'une improvisation, après qu'on ait fait une improvisation libre, on discute, on se propose des contraintes. Souvent, on parle de silence, d'espace. C'est vraiment une préoccupation importante hein, pour nous, musiciens improvisateurs. Et pourquoi finalement faire de la musique, c'est faire du bruit, c'est remplir l'espace. Oui, tu as déjà utilisé le mot bruit tout à l'heure aussi, quand il n'y a plus de bruit. La notion du son et du bruit, l'acceptation, quand est-ce que le son devient musique, quand est-ce que le son est bruit, ça c'est la psychologie de chacun qui crée un petit peu ce point de bascule, cette barrière. Et pour dire qu'en ensemble, on n'a pas forcément toujours les mêmes attentes, les mêmes, on n'est pas nourri des mêmes musiques, on n'a pas forcément le même goût, mais on va se rencontrer et partager un moment de son, de musique ensemble. Donc il y a toujours cette interrogation entre je vais recentrer sur le silence et l'espace, mais en fait, ce qu'on essaie de fuir. Ce qui nous viendrait assez facilement, c'est le bavardage, c'est-à-dire échanger, montrer un petit peu, tendre la perche à l'autre. Et on peut avoir tendance, comme je le fais là, blablabla, à enchaîner des mots, à vouloir être bavard, plutôt qu'aller à un essentiel, essayer de trouver la juste intention ensemble. Donc la juste intention, c'est pas forcément mettre 10 000 notes, c'est trouver la chose précise qui est là, qui se pose, qui paraît essentielle quand elle est clos, et qui paraît rebondir à l'autre, qui va toucher une écoute sensible, qui nous sort complètement de l'idée de babillage, de bavardage, de se montrer, tiens, t'as vu comment je joue, t'as vu comment j'enchaîne mes notes, comment t'as vu le son que j'ai, enfin, ça, je vais travailler, écoute, ce truc-là, ça va fonctionner pile poil. C'est sortir de nos réflexes et aller toucher quelque chose de plus essentiel, qui nous dépasse peut-être. Et dans le labo des sonophages, on est dans cette démarche-là individuellement. Est-ce qu'on est dans cette démarche-là en groupe, dans la mesure où le labo des sonophages n'est pas vraiment un groupe constitué avec des membres fixes, avec un objectif de scène, par exemple, ou d'album? Là, on est vraiment sur un atelier, on se rencontre, on est un laboratoire. Est-ce que ce vocabulaire même de laboratoire, ça fait penser à l'expérimentation. Est-ce que c'est de la musique expérimentale? Est-ce que la musique improvisée est en général de la musique expérimentale ou pas? Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? Bon, je vais répondre juste par rapport au labo. C'est vrai que bon, le terme le définit. C'est un labo, c'est un outil de recherche. C'est un besoin de se rencontrer entre improvisateurs et se poser des questions et travailler sur l'écoute. C'est quand même notre instrument principal, c'est écouter. C'est écouter soi, écouter l'autre, écouter le lieu dans lequel on est. Arriver à entendre tout ce qui se fait. Quand on est à 8, c'est pas si évident que ça. Être conscient de tout ce qui se passe. Donc, bon, le labo a pour vocation à se positionner sur cette écoute-là. C'est donc pas de but de concert, on se fait pas un répertoire, on repart toujours à zéro avec on se propose un matériau vierge. L'ensemble n'est pas forcément régulier. Des fois on est 5, des fois on est 8. On s'est eu retrouvé en duo. Et on sait que chaque fois c'est différent. On va retrouver certaines personnes qui sont là, là très régulièrement, d'autres non. On a eu des gens de passage qui nous venaient du Japon ou de Singapour. Enfin, le labo reste ouvert aussi à des fois quelques surprises. Mais c'est un travail d'écoute, voilà. D'abord, pas de vocation à sortir a priori des murs, sauf qu'on invite souvent à la fin de l'année, vers le mois de juin, le public, s'il veut, à venir assister à une séance de labo, pas à un concert. Sarah ? Alors, à propos de la musique expérimentale, pour désigner la musique improvisation libre, je pense que c'est pas forcément expérimental. À mon sens, on est dans la musique expérimentale quand on va essayer de travailler sur une contrainte précise, nouvelle, ou rechercher de nouvelles idées de contraintes, mais je pense qu'à partir du moment où on est vraiment dans la musique improvisée libre et avec peu de contraintes, on est plus sur la rencontre et sur le partage que sur l'expérimental, parce que c'est une expérience qu'on fait quelque part, mais c'est pas à but expérimental. D'accord. Je suis assez d'accord. Et comment tu présenterais le but du coup dans ces on retrouve ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, ou tu as un autre point de vue, comment, qu'est-ce que c'est le but du labo, qu'est-ce que tu cherches en venant au labo? Peut-être à découvrir de nouvelles choses par rapport par aussi par ce que les autres proposent, être avec des improvisateurs que je côtoie pas, du coup qui peuvent m'ouvrir un petit peu l'esprit et l'oreille sur des nouvelles choses, sur de nouvelles réflexions aussi. Après, juste par rapport au silence et au blablatage, moi je pense que le silence c'est pas une conséquence du fait de ne pas vouloir faire du blablatage. Je pense vraiment que le silence c'est une façon d'accepter la liberté de prendre le temps et aussi d'accepter la tension, d'accepter qu'on n'a pas forcément, justement comme tu disais, à toujours remplir, mais qu'on peut laisser les choses comme ça, même si ça peut être une certaine tension. Voilà. Du coup, dans le labo, je trouve oui, vraiment intéressant qu'on puisse apprendre comme ça à être à l'écoute des autres et à réfléchir ensemble et à écouter ensemble. Alors, pour continuer, je vous propose qu'on fasse une autre improvisation. Est-ce qu'on se fixe des contraintes par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à ce qu'on a fait au début? On peut, mais là, en découvrant les couteaux casques, des choses comme ça, je pense qu'on est déjà entouré de pas mal de contraintes. Tout à fait, tout à fait. Mais justement, un objectif de se dire quelque chose-là pourrait être d'éviter de retomber dans le même genre de discours que ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors c'est pas forcément un objectif en soi, ça peut être très bien de refaire une improvisation qui ressemble parce qu'on a encore des choses à creuser, des choses à dire dans ce vocabulaire là mais moi je proposerais bien de quelque chose de différent. Ça vous parle? Oui, ça le parle. On essaye. Donc juste différent, ça c'est une contrainte. Yeah. Yeah. Vous êtes sur France Impro, Radio FMR 89.1 avec le Labo des Sonophages qui vient de faire terminer sa deuxième improvisation de la matinée. Encore une improvisation matinale avec pas mal d'espace. Oui. Voilà, on peut dire ça. Alors qu'est-ce qu'on fait après une improvisation avec contrainte? On parle de la contrainte, on dit est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc l'attente était une improvisation différente. Donc je pense que si on colle les deux, on peut dire qu'effectivement, il y a pas mal d'éléments qui ont marché, qui sont quand même assez différents. Tout à fait. Pour moi, ça a bien fonctionné parce que le fait de demander à ce que ce soit différent, ça m'a donné totalement une autre perception. J'étais pas du tout dans le même état d'esprit que pour l'improvisation précédente. Ça m'a beaucoup aidé à... Enfin, ça m'a imposé plutôt une espèce de narration en même temps, instantanée. J'imaginais beaucoup plus et il y avait beaucoup plus un fil conducteur. D'accord. Alors, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Tu peux creuser un petit peu? Parle de ce fil conducteur. Comment est-ce que tu lis l'improvisation qu'on vient de faire? Eh bien... Au départ, il y avait beaucoup d'interactions. Enfin, peut-être que toi, tu avais commencé à créer aussi un paysage un petit peu... comme s'il y avait un décor qui s'était placé, ensuite, avec pas mal d'interactions de plusieurs solistes. Et ensuite, il y a eu un moment de couche, une couche décor, avec vos longues notes, tenues, tout ça. Et une couche interaction encore entre Gilbert et moi, où on était plus dans le dialogue... Et vous, dans votre dialogue, mais qui, avec vraiment deux mondes qui se superposaient et qui se complétaient. Et ensuite, il y a eu un changement d'ambiance, un retournement de... on a perdu un petit peu les solistes, comme ça, c'est devenu un peu beaucoup plus une unité entre nous quatre. Après, c'est un petit peu difficile de se rappeler tout exactement aussi, mais... C'est pour ça qu'on peut réécouter l'émission, tout c'est à ça fait. On pourra réécouter l'émission sur le site franceimpro.net quand j'aurai une minute pour la mettre en ligne, dans pas très longtemps normalement. Alors, il nous reste 10 petites minutes. Alors, je vous propose... Là, on a un petit souci dans le studio. On n'a pas Internet, donc je ne peux pas vous parler de l'agenda des sonophages comme je fais habituellement, mais peut-être que mes invités ont une date en tête. Faites un peu de pub. Qu'est-ce que vous avez? Donc, sur les sonophages, oui. Déjà, tu cites l'agenda. C'est un super outil pour ceux qui s'intéressent à l'improvisation et qui ont envie d'en écouter en concert aussi. Donc, les sonophages, juste à savoir, ça s'écrit avec une faute d'orthographe qui permet de nous retrouver sur cette immense décharge d'Internet. Donc, vous tapez sonophage, S-O-N-O-F-A-G-E-S, et là, vous tombez à peu près certainement sur le site sonophages.free.fr, où dessus, il y a un super outil qui s'appelle l'agenda partagé, où chaque concert qui est lié un petit peu à la musique improvisée, les musiques expérimentales, le théâtre, la danse, enfin tout ce qui est un petit peu dans ces univers-là est recensé sur un agenda. Donc vous pouvez laisser votre mail et être au courant mensuellement de tout ce qui se passe autour de ces musiques-là. Et autour de Toulouse. Oui, autour de Toulouse, très localement. Donc sinon, autour de Toulouse, là, les sonophages ont aussi un grand ensemble, un orchestre qui s'appelle Le Fil. Et Le Fil, qui est à sa quatrième année, est en résidence. On a proposé une première partie de résidence qui s'est jouée à la Fabrique au Mirail. Là, on part la semaine prochaine en résidence de mercredi à vendredi au Théâtre d'Albi. Et donc, il y aura une restitution de résidence pour ceux qui seraient dans le coin ou qui auraient envie de faire le déplacement à 12h45, le vendredi 4 mars. Dans la salle haute du Grand Théâtre d'Albi. Le seul truc à savoir, c'est qu'il faut réserver impérativement. C'est l'entrée est libre, mais il faut réserver par téléphone. Au 05 63 54 51 75. Je vous laisse prendre des stylos et je le redis. Donc 05 63 54 51 75. Donc pour la sortie de résidence du Fil, 12h45 le 4 mars, vendredi. Très bien, merci Laurent. Sarah, tu... pour ma part, je fais partie d'un petit ensemble improvisé étudiant de musique improvisée avec des étudiants dirigés par Christine Vaudrachka. Et nous jouerons donc à la Fabrique du Mirail le 9 avril. Il me semble que c'est le 9. J'espère que c'est pas le 6. Et de toute façon, vous pourrez retrouver l'horaire et plus d'informations sur le site du SIAM. Voilà. Le site du SIAM, tu connais l'adresse ? Si vous tapez SIAM Toulouse Le Mirail. Alors SIAM, ça s'écrit comment ? C-I-A-M. Et ça veut dire ? Centre d'initiative artistique. Voilà, donc vous ne pourrez pas rater le concert des étudiants de Christine à la Fabrique, le 6 ou le 9 avril, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc, 6 ou 9 avril, on aura le temps de le redire peut-être sur cette antenne. Merci beaucoup, on va terminer avec un petit enregistrement d'une séance passée du Labo des Sonophages. Laurent, tu as une préférence ? On peut mettre le plus frais, celui de 5 minutes. Celui de 5 minutes, ok, c'est parti. À dans 2 semaines, merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Thank you.